Aujourd'hui, grâce à la radionique de base, nous pouvons vous aider à surmonter les petites difficultés de base et les maux mineurs du quotidien. Nous pouvons agir sur votre personne, sur un être cher à l'aide d'un témoin naturel, un cheveu ou un bout d'ongle, ou un témoin artificiel, par exemple une photo. Nous pouvons également réajuster les énergies de certains lieux à l'aide d'un dessin ou d'une photo. Pour faire cela, nous allons d'abord effectuer un diagnostic et effectuer un bilan vibratoire à l'aide d'un dispositif arc-en-ciel dernier cri. Et ensuite, vous fabriquez un soi sur mesure avec nos potions magnétiques, talismans dynamiques et émetteurs radioniques pluridimensionnels. Nous pouvons faire avec vous un bilan énergétique sur plusieurs niveaux, électrique, cosmique, tellurique et magnétique, et vous aider à rééquilibrer tout ça. Nous pouvons également vous dire où vous en êtes avec la vie, mais pour l'instant, nous n'avons accès qu'au moment présent. Nous n'avons pas encore les accès au futur ni au passé. Nous sommes simplement les vecteurs des forces énergétiques ambiantes. Nous n'allons donc pas vous en demander trop sur vous, et nous n'allons pas vous en dire trop sur vous non plus. Nous sommes juste là pour prodiguer nos soins, et nous n'avons pas le temps de rentrer dans des détails techniques liés à notre pratique. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de notre pratique, nous serons heureux de partager ça avec vous, en dehors des heures de soins.